L'enlumineur sacré par Isabelle Eberhardt. Enregistré par Christiane Johann. L'enlumineur sacré, chronique. Sous les petites coupoles de plâtre que dort le soleil, les boutiques s'alignent, minuscules, inégales comme des alvéoles. Les comptoirs branlants sont de planches brutes. Dans la lumière exaspérée, les mouches bourdonnent, alléchées, grisées par le suc fermenté des dattes. Les ombres violettes, très brèves, coupent l'éblouissement des choses, et l'accablement de l'heure tel est bruit. Le maître de l'une des boutiques, assis sur une caisse, accoudé sur le comptoir, le capuchon rabattu sur le front, sommeille, l'œil mi-clos, dans la pose assoupie mais vivante du félin au repos. Dans le fond, sur une natte, Siel Hadjadj Hamouda s'applique au travail patient d'enluminure qui délaie en douceur la monotonie des heures. Il copie, d'un calame expert, les paroles des livres, ornant d'or et de cinabre les pages ambrées après avoir pieusement inscrit sur la première la formule « Ne le touchez si vous n'êtes pur ». Lentement, d'une main calme et agile, Hachamuda enroule en volute les caractères de rêve, les encadres d'arabesques déliés, où les rouges et les verts rehaussent les ors pâlissants, séparent les versets par de petites étoiles naïves en guise de points. La feuille de parchemin simplement posée sur son genou, ses encres en de petites tasses ébréchées, l'enlumineur travaille malgré la lourdeur amollissante de l'air, malgré l'obstination des mouches. Enveloppé de burnous blanc, encapuchonné, un long chapelet au cou, Hachamuda, de visage émacié et brun, de traits réguliers, la barbe grisonnante à peine, poursuit son œuvre patiente. Son regard est calme, éteint, et l'ambition y paraît à peine. Parfois, une ombre de sourire passe sur sa lèvre quand lui plaise la bonne ordonnance d'une page, la grâce d'une vignette. Il vit de ce travail charmant, en une insouciance heureuse, en cette boutique qu'il abrite, avec la piété hospitalière de l'islam. Après des années, il y reste toujours l'hôte discret, ne se mêlant pas du mouvement journalier, presque pas même des conversations. Parfois, quelque vieux taleb, distingué et poli, au geste grave, vient s'asseoir sur la natte du calligraphe après avoir baisé son front en signe de respect. Des nombreux salams, sans hâte, puis des discours lents où passent des choses très vieilles. Les enfants eux-mêmes n'osent venir jouer devant la boutique et la présence de Hachamuda la sanctifie presque. Aux heures où l'appel plaintif des Mouadens plane sur la ville, l'enlumineur se lève, rejette ses burnous sur son épaule, d'un geste ample et beau, et s'en va à la mosquée des Messahaba. Entre les dernières maisons du Xar et les premières dunes, qui continuent les coupoles sans teinte plus claire, un dôme gris s'élève, sur des murs bas et effrités, dans un enclos où de jeunes dattiers tamisent en bleu l'ardeur de la lumière. Près du puits à Otara, dont l'armature grince, lourde et criarde, dans un bassin de plâtre, les fidèles font les ablutions rituelles. Puis, dans l'intérieur, fruste et nu, sur les nattes desséchées, jaunies, se prosternent ensemble en attestant l'unité absolue de Dieu. Hachamuda, au premier rang, récite à voix haute les versets chantants. Le plus savant parmi les assistants, il est l'imam. Après, du même pas, lent, il regagne sa boutique où il reprend son kalam et son travail suranné. Le soir, à l'heure rouge où le soleil embrase le Xar, Hachamuda, toujours seul, promène son rêve restreint, doux, sa mélancolie sans motifs extérieurs, au sommet des dunes, sur les pistes grises, entre les tombeaux disséminés. Parfois, il s'arrête, les mains levées et ouvertes devant lui comme un livre, et il dit une fatia devant quelque tombeau anonyme ou quelque couba blanche esselée dans le désert. Après la prière de l'Isha, il rentre dans la boutique et reprend sur sa natte la prière commencée à la mosquée. Assis, la tête penchée, il égrène son chapelet, l'œil voilé d'un rêve plus lointain. Puis, sur l'humble couche, toujours solitaire, il s'endort, sans regrets et sans désirs, exempt de colère et de passion, sans famille, sans soucis. Ajamuda vit, attendant en paix, l'heure inconnue. Isabelle Eberhardt.